L'Association générale des Coréens en Chine a adressé le 6 un message au dirigeant suprême Kim Jong-un pour féliciter la réussite au tir d'essai de la fusée balistique intercontinentale de type façon 14. Le destinataire dit « La réussite d'un seul coup au tir d'essai de la fusée balistique intercontinentale est une manifestation claire de la capacité nationale invincible et du potentiel inépuisable de l'industrie de guerre indépendante de la Corée du Sud, renforcée à un rythme extraordinairement accéléré. C'est également un grand événement heureux à inscrire dans l'histoire de la nation coréenne attachée à la force militaire puissante depuis toujours. » Cet événement de la nation coréenne fière de son histoire 100 fois millénaire est inimaginable à l'écart des exploits des grands leaders Kim Il-sung et Kim Jong-il qui ont porté haut de toute leur vie la bannière de Sun Gun et adhéré à la ligne originale consistant à développer parallèlement l'économie et les forces militaires en vue de préparer la puissante dissuasion de guerre. La récente réussite au tir de la façon 14 constitue un fruit brillant du dévouement patriotique du maréchal Kim Jong-un qui a avancé la ligne consistant à allier la construction économique et le renforcement des forces nucléaires et s'est consacré corps et âme dans le but de réaliser brillamment le désir des grands leaders pour l'édification d'un État puissant. C'est aussi un de ses hauts faits à louer pour toujours par toute la nation coréenne. Ahuri du développement successif et multiplié des fusées dans notre patrie Tchutse, les États-Unis et leurs satellites parlent de la pression maximale et d'autres, mais ce n'est rien d'autre que les comportements désespérés des agonisants. Fermement convaincus de l'avenir radieux et de la victoire finale de notre patrie en progression vigoureuse sous le drapeau de la ligne de conduite pour la construction simultanée de l'économie et des forces nucléaires, nous remplirons notre mission et notre obligation en tant que citoyens d'outre-mer de la puissance militaire sans rivale.